Thank you. Que je la vois jouer avec Quentin aussi. Ouais, bah moi aussi, je sais pas si ils ont vraiment. Enfin, je sais pas quand ils se sont préparés comme ça. Mais... Ouais, mais du coup, c'était génial. Ça donne vraiment. Ça va vraiment dans le délire. Les deux, ça c'était super. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis vraiment content pour elle parce que c'est exactement la direction que je lui souhaite. Enfin, que je pense que dans laquelle elle est contente. Et du coup, je suis plus sympa. Ouais, j'ai fermé sur avec les gens, ils ont hésité de la folie. Hein. Franchement, c'était top. Groups like Total, just like the working class, but all the but a lot of the working class vote for the right one because autre chose là, t'as un peu de dubstep, des trucs. Ah, ça arrive à peu. Ah, ça arrive à peu. Chaud. Dubstep de la capitale internationale. Ah, j'entends pas, j'ai une bonne musique. Eh ben, il y a la capitale internationale, le dubstep plein d'espérance. Chaud.